Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal à langue française, dont voici d'abord le sommaire. Le gouverneur de la province Cibitoke, Karim Ebizoza, appelle ses administrés à couper court avec la mauvaise pratique de faire celui qui les détracte, faisant état des personnes accusées de sorcellerie et qui peuvent être tuées d'un moment à l'autre, comme ça a été le cas il y a de cela deux semaines sur la colline Bgaï, en commune Mugina. Ce gouverneur met en garde toute personne auteur ou complice dans cette affaire que des poursuites judiciaires sont envisageables. Vous aurez les détails dans ce journal. Lancement ce vendredi du nouveau cadre de partenariat de 5 ans entre la Banque mondiale et le gouvernement du Burundi. Une occasion, selon le ministre des Finances, de statuer sur tous les défis à la base du décaissement tardif déjà identifié en mettant en place toutes les stratégies qui s'imposent pour le décaissement des fonds et dans les délais impartis. Il plaide à l'octroi de la gratuité des soins aux victimes de violences basées sur le genre. Ce sont certains parmi les centres qui prennent en charge les victimes de violences sexuelles basées sur le genre, dont le centre Seruka et le centre neuropsychiatrique de Kamenge. Le porte-parole du ministère de la Solidarité indique qu'ils vont collaborer avec les intervenants dans son secteur pour trouver une solution à ce problème. Voilà pour les titres. Les détails, c'est dans quelques instants. Albert Douimana assure la mise en onde. Jérôme Akizimana à la présentation. Encore une fois, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je venais de vous le dire tout de suite dans les titres. Finances, pour débuter ce journal, le ministre des Finances dit travailler sur toutes les stratégies qui s'imposent pour le décaissement des fonds dans les délais pour les projets financés par la Banque mondiale. Nestor Nahonouye l'a annoncé ce vendredi à l'occasion du lancement du nouveau cadre de partenariat de 5 ans entre la Banque mondiale et le gouvernement du Burundi. Il estime que tous les défis à la base du décaissement tardif ont été identifiés et maîtrisés. Écoutez ces précisions. Twabonye yuko urugero rw'amahera amaze gukora mu bikorwa bisanzwe bitegekanijwe atari guhiza muri uno mwaka. Nous avons appris que le pourcentage du budget déjà utilisé dans la mise en œuvre des projets en cours n'est pas satisfaisant. Et cela parce que bon nombre de ces projets passent par des marchés de capitaux, ce qui fait que les préparatifs qui se réalisent lors des premiers mois de l'année budgétaire, c'est-à-dire le mois de juillet, août, septembre et octobre, traînent la mise en application. Certains marchés traînent et sont réalisés dans les derniers mois de l'année. Nous espérons utiliser beaucoup d'argent dans les mois restants, c'est-à-dire celui de février, mars et avril. Il se remarque également la problématique dans le suivi de ces projets, ce qui incombe au ministère des Finances, assurant le suivi de ces projets financés par la Banque mondiale, de faire le contrôle suivant l'utilisation de ces fonds et la mise en application de ces projets pour bien gérer à temps les imprévus. Parce que si ça passe deux ou trois mois sans que la problématique ne soit résolue, les inconvénients se répercutent sur les projets suivants. Nous avons alors la question en main. D'ailleurs, le suivi sera prévu dans le budget général de l'État de l'exercice 2026-2027 pour que la consommation du budget en place ne soit plus un problème. Le ministre Nestor Nahonouye était traduit en français par notre confrère Omer Ndouayo. Sécurité à présent, des tracts circulent il y a de cela deux semaines sur la colline Bgaï, en commune Mugina de la province de Cibitoke. Document par lequel 28 personnes sont accusées de sorcellerie et peuvent être tués d'un moment à l'autre. Le gouverneur de cette province met en garde toute personne auteur ou complice dans cette affaire que des poursuites judiciaires sont envisageables. Au cours d'une réunion à l'endroit de la population de cette colline Bgaï, de la commune Mugina, Karim Ebizoza a appelé le peuple à couper court avec cette mauvaise pratique, déplorant que ces accusations constituent quelquefois une manière déplacée pour des gens qui avaient d'autres conflits. Suivez plutôt Karim Ebizoza, gouverneur de la province de Cibitoke. Il y a une chose qui est là. Des accusations de sorcellerie sont souvent liées à des conflits qui existaient avant. Une personne se dit, à cause de ces querelles, nous allons accuser notre adversaire de sorcellerie. Comme cela, nous allons le chasser. Mes concitoyens, abandonnons ces pratiques de nous accuser les uns des autres, ces histoires de sorcellerie. Nous n'atteindrons jamais le développement tant que cette situation persiste. Tenez, une personne se construit une belle maison et du coup, elle est accusée de sorcellerie et déstabilisée de telle manière. Je vous le jure, devant les instances, une personne accusée de cet acte le nie purement et simplement. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à mener une lutte en ce qui est du développement. La liste a circulé et si d'une manière ou d'une autre, une personne qui fait partie de la liste perd sa vie, même par une mort naturelle, on aura à mener des enquêtes visant à chercher qui sont les auteurs de ces actes pour des poursuites irrelatives. Sachez que quand vous accusez une personne de sorcellerie et que du coup il en succombe, vous en êtes directement responsable. Je suis désolé, nous menons un combat contre des sorciers au lieu de lutter pour le développement. Le gouverneur Karemé Bizoza était dans la traduction française de notre confrère Alain Désiré Boukieyeneza. De Chibitoke, revenons à Bujumbura, où le phénomène des enfants en situation de riz qui deviennent de plus en plus nombreux cause la recrudescence des actes de banditisme et de la violation des droits humains. Cela est dit par le coordinateur national de l'organisation Giliouja qui lutte pour la protection des droits de l'enfant. Aimable Baranda Guillet propose au gouvernement d'analyser lors d'une table ronde sur la situation des enfants de la rue prévue dans le mois de février, un projet de loi qui a été adopté par le Conseil des ministres qui visait à retirer de la rue ces enfants suivis. Giliouja a pu appuyer l'INSEF, le gouvernement, pour l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants en situation de rue et adultes mendiants au Burundi, mais aussi de réintégration communautaire. Cette stratégie a été adoptée par le Conseil des ministres et actuellement, il reste la mobilisation des fonds. Les informations que j'ai, le ministère de la Solidarité nationale, en collaboration avec l'INSEF, sont en train d'organiser une table ronde où tous les partenaires techniques et financiers, mais aussi les acteurs de la protection de l'enfant, seront invités pour échanger sur les priorités à financer et pour mobiliser des fonds nécessaires afin de trouver une solution pour les enfants en situation de rue. Mais pour le moment, ces enfants sont devenus nombreux dans les rues. Et puis souvent, ils sont accusés de vol et ils tabassent même les gens qui passent dans les villes. Quelles sont les conséquences de cette situation? Le phénomène des enfants de la rue donc, a des conséquences. Première conséquence, d'abord, c'est un mauvais décor de la ville. Vous savez, les enfants de la rue constituent ce qu'on appelle le mauvais décor de la rue. Autre chose, ils causent l'insécurité. C'est l'instinct de survivre. Quand ils sont dans la rue, vous savez, un enfant qui dort dans la rue, d'abord, il est à un âge précoce, d'ailleurs, pour pouvoir se venir à ses besoins. Ce qu'il fait, soit il prenne des drogues, des produits psychoactifs, et puis pour chercher à manger, soit il vole, soit il mendie, et puis il cause l'insécurité, ça c'est sûr. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. C'est le comportement normal d'un enfant en situation de rue. Autre chose, ces enfants, quand ils prennent ces produits psychoactifs, ils deviennent un peu délangés mentalement. Et ils ont besoin même d'une prise en charge psychologique. On doit les mettre dans les centres de rééducation. Aimable Baranda Guillet était au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakumana. On marque une petite pause et on va continuer ce journal. Isanganiro, la radio de l'avenir. C'est la radio Isanganiro que vous continuez à suivre, émettant depuis Bujumbura. Je vous rappelle que vous pouvez nous capter sur Internet en écrivant www.isanganiro.com. Poursuivons ce journal par cette page Droits de l'Homme. Des parlementaires demandent à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH en sigle, de travailler en toute indépendance. S'exprimant mercredi de cette semaine à l'Assemblée nationale lors de la présentation du rapport sur les droits de l'homme en 2024, De son côté, Dr Sixte Vigny Nimuraba, président de cette commission, leur a signifié que le statut de cette institution émane de la satisfaction de la population. Mireille Kanyang. Après présentation du rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi au cours de l'année 2024, le député Terence Manirambona a soulevé son inquiétude par rapport au statut de la CNIDH. Monsieur le président de la commission, l'année passée, on a perdu le statut A. Je voudrais vous demander, en se basant sur le rapport, la manière dont vous êtes en train de faire, ainsi que les obstacles que vous observez. Trouvez-vous que nous sommes dans le bon chemin pour récupérer le statut A? En réponse, Dr Sixte Vigny Nimuraba, président de cette commission, a plutôt lancé la balle dans le camp des députés. Vous, en tant qu'honorable, quel statut que vous nous conférez? N'allons pas loin. Commençons à voir. Est-ce que les honorables sont unanimes à la manière dont la commission travaille comme une commission indépendante qui a un statut A? Si vous êtes unanime en tant que député représentant la population, nous serons fiers de l'exercice de notre mission. Mais si vous, les élites du peuple, vous remarquez que nous sommes penchés de tel côté ou de l'autre, vous comprenez que le statut devient difficile. Laissons ceux de l'extérieur parce que ça peut entraîner d'autres défis. Ce qui est important pour nous, c'est de travailler pour la population et c'est cette dernière qui nous confère ce statut. Sinon, les autres, c'est après. Se basant sur des recommandations de cette commission à l'endroit du gouvernement burundais, le président de l'Assemblée nationale semble pointer du doigt les activités de cette commission. Il y a d'autres recommandations orientées vers le gouvernement. Mais soyez vigilants que la CNDH ne bouscule pas le gouvernement dans ses prérogatives. C'est un clin d'œil à votre endroit, car je sens que vous pouvez bousculer le gouvernement. Apparemment, vous êtes dans la place des Blancs qui veulent nous dicter comment respecter les droits de l'homme. Et vous exigez que le Burundi s'exécute. Soyez vigilants. En réaction, le député Simon Wizimungu trouve qu'il faut laisser la CNIDH faire son travail en toute indépendance. Honorable président de l'Assemblée nationale, si je suis bien ce que vous dites, on dirait que vous cherchez à ce que la CNIDH travaille au rythme des institutions étatiques. Or, dans ce cas, la commission ne serait plus indépendante. Ce qui me dérangerait est d'entendre que la dite commission ne se soumet plus aux lois la réglementant. Mais si elle respecte ces lois, je me dis qu'on ne devait pas la regarder de travers, car ça reviendrait à dire qu'on veut des commissions qui travaillent sous une commande, et cela nous rendrait la tâche difficile. Si nous reconnaissons cette commission comme étant nationale et indépendante, et œuvrant pour les droits de l'homme, laissons-la exercer, et suivons si elle respecte la loi. Si ce n'est pas le cas, nous dirons que la CNIDH a failli à sa mission. Entre autres recommandations de cette commission figure la mise en place d'une structure de lutte contre la torture au Burundi. Mireille Kanyange de la page Droits de l'homme et parlons santé. Dans la suite de ce journal, certains parmi les centres de santé les centres qui prennent en charge les victimes de violences sexuelles basées sur le genre, dont le centre Seluka et le centre neuropsychiatrique de Kamenge, plaident à ce que le gouvernement octroie la gratuité des soins de santé aux victimes de ces violences sur tout le territoire du pays. Docteur Erubarika Scholastic du centre Seluka qui le dit part du fait que parmi les personnes qu'ils reçoivent, 39% des cas rejoignent ce centre après les 48 heures par peur de payer les frais sur les structures sanitaires tout proches de chez eux. Le porte-parole du ministère de la Solidarité indique qu'ils vont collaborer avec les intervenants dans ce secteur pour trouver une solution à ce problème. Sheila Irambona, reportage. Comme l'explique le docteur Rubarika Scholastic, chargé de la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre dans le centre Seluka. Ce centre offre des services à ces personnes, notamment la prévention de certaines maladies comme le sida, ainsi que le suivi psychologique. Nous leur offrons le paquet qui se trouve ici. Par exemple, si le survivant de violences sexuelles consulte, nous leur donnons la prophylaxie contre le VIH. Nous leur donnons la prévention de grossesse non désirée. Nous leur donner des vaccins aussi. contre l'hépatite B, contre le tétanos aussi. Et nous faisons aussi les soins d'éventuelles blessures. Nous faisons des sutures qui sont simples. La prise en charge psychologique, et juridique et judiciaire. Et au cas où ces victimes ont des complications, ces dernières sont référées vers d'autres hôpitaux. Au moment où Seruka affirme que parmi les personnes accueillies, 39% viennent après avoir dépassé les 48 heures parce qu'elles ont eu peur de se présenter dans certaines structures toutes proches. Ce docteur plaide à ce qu'il y ait la gratuité des soins sur tout le territoire du pays. Nous avons constaté que les facteurs sont très énormes pour les survivants. C'est un problème si un survivant d'un viol consulte le centre Seruka après les 48 heures parce qu'il n'a pas pu consulter dans la structure qui est très proche. D'abord, il y a les signes qui ont disparu quand elle veut porter plainte. Mon souhait, c'est que tout centre de santé, tout hôpital puisse donner des soins gratuits. Une idée également épousée par le psychologue du centre neuropsychiatrique de Kamenge, Pierre Clavarnje Djimana, affirme que des médicaments prescrits à ses victimes sont chers et que le gouvernement devrait envisager de leur accorder cette gratuité comme il l'a fait à l'instar des médicaments qui sont prescrits aux malades vivant avec le VIH. Ces médicaments sont très chers. Je dois faire un plaidoyer pour que ces médicaments puissent être, je dirais, donnés gratuitement par les structures de prise en charge et via, je dirais, le gouvernement, comme on l'a fait pour d'autres maladies chroniques comme le VIH-Sida et autres maladies. Au ministère de la Solidarité, à travers le porte-parole de ce ministère, il indique que ce ministère va collaborer avec tous ceux qui interviennent dans ce secteur pour trouver une solution à ce problème. Nous avons des cadres de concertation avec les structures gouvernementales ou la société civile. Nous accueillons favorablement de telles contributions. C'est discutable, on pourra voir quelles sont les modalités pratiques pour que ces frais soient vraiment annulés. L'autre chose qui ne facilite pas la tâche à ces victimes est que si une fois qu'ils veulent que la justice les rétablisse dans leurs droits, la police leur demande une expertise médicale et celle-ci doit être payée sur certains hôpitaux. Sheila Irambona de Bujumbura, rendons-nous au nord du pays où le guichet unique provincial de Kayanza ne délivrait pas de laissez-passer depuis la fin de l'année passée. Ndelimana Sosten, directeur à ce guichet, parle d'un problème technique qui a eu lieu et tranquillise néanmoins que l'équipe de techniciens est à l'œuvre pour le réparer. Plus de 3700 personnes à la recherche de différents documents se sont confiées à ce guichet en 2024, dont moins de 700 femmes et filles. Les responsables provinciaux du guichet unique à Kayanza appellent en outre la population à se munir des documents de voyage chaque fois de besoin. Patrick Senguiumva, correspondance. Comme l'indique le directeur provincial du guichet unique à Kayanza, au cours de l'année 2024, ce service a accueilli 3719 personnes, dont 99 à la recherche des permis de conduire provisoires, les permis de conduire définitifs et 129 personnes, quand la validation de ce document a été faite par 824 personnes. Ce responsable provincial du guichet unique à Kayanza fait savoir que pendant cette période, le service qu'il dirige a délivré 1024 passeports, 1645 laissés-passer et 824 extraits du casier judiciaire. Parmi ces 3719 personnes qui se sont confiées au guichet unique provincial de Kayanza, se trouvent 672 filles et femmes seulement, précise Sosten Ndereyimana. Le directeur du guichet unique provincial Kayanza indique aussi que depuis le mois de novembre l'année passée, ce service ne délivre pas de laissés-passer à cause d'un problème technique qui a eu lieu. Ndereyimana Sosten précise aussi qu'en province Kayanza, beaucoup de conducteurs n'ont pas de permis de conduire leur permettant d'exercer cette activité. Et à la population en général, il appelle à se munir des documents de voyage, arguant que beaucoup de personnes cherchent ce document quelques jours avant le voyage. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci à toi Patrick Nsengiyumva. Point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Albert Ndugwayo était à la cabine technique. Jérôme Hakizimana à la présentation. Très bonne suite des programmes sur la radio Isanganiro. À la prochaine.